Sur les chaussées à sens unique, lorsque trois voies ou plus sont affectées au même sens de circulation, les véhicules de plus de 7 mètres de long ou de plus de 3,5 tonnes ne peuvent emprunter que les deux voies les plus à droite de la chaussée. Je tracte une caravane, mon ensemble fait plus de 7 mètres de long, je ne peux pas circuler dans la voie de gauche. J'attends que le camion blanc ait fini son dépassement pour le dépasser à mon tour. Réponse B.